que cette main reste pure de ce qu'on attend d'elle. Vous craignez une condition où les paroles de l'Écriture auraient perdu pour vous de leur force. Dans cette condition, puisque la voici, je vous en donne une, que vous tirerez de vous-même, mais d'après l'Écriture. Le prophète Job dit, « Quand il m'aurait tué, j'aurais encore espérance en lui. » Vous, vous direz, « Quand je l'aurais tué, j'aurais encore espérance en lui. » Oui, ma mère, je le dirai. Je souhaite, ma très chère sœur, que vous nous reveniez bientôt. Oh, quelle journée! Jamais je n'en ai vu de pareille. Et notre pauvre mère Agnès, que j'aime tant. Hélas, mon Dieu, partir ainsi. Vous êtes bien avec Monseigneur? Priez-le qu'il nous la rende vite. Moi, bien avec Monseigneur? Mais je ne l'ai vu qu'une fois à l'interrogatoire. Et vous savez que je ne me mêle de rien et qu'ici, je ne suis rien. Je vous ai vu cependant une fois lui parler à l'oreille. Quoi? À l'oreille? Comme si j'avais seulement remarqué que Monseigneur eut des oreilles. Vous parlez très souvent avec Monsieur Bell et Monsieur Chamillard, qui sont ses âmes damnées. Vous ne m'avez jamais vu avec l'un d'eux plus d'un quart d'heure? Et que lui dirais-je? Je n'ai à lui dire que mes fautes et seulement en confession. Jésus, que lui dirais-je d'autre? Au contraire, je me suis quelquefois rencontrée avec des personnes qui faisaient des rapports et je leur marchais sur le pied pour les avertir qu'il ne fallait rien dire contre le prochain. Vous vous défiez de moi? Oh, ces défiances me font mourir. Je ne suis point aimée, moi qui suis tout à tous. Hélas, si vous saviez ce que souffre ce pauvre cœur. C'est vous qui avez décloué la housse de ma cassette. Ou vous pensiez que je gardais des papiers secrets? Moi, ma sœur? C'est vous qui étiez l'autre nuit avec une lanterne à la voûte de l'Aqueduc pour voir s'il n'y aurait pas un trou par où nous passerions la correspondance à nos messieurs. Parlez bas. Et c'est elle, ce tantôt, qui était tierce à la grille, qui m'a fait promettre à mon père que je signerais, sans mot dire, seulement en étant là. Vous connaissez ceci? La liste écrite de votre main, des 12 sœurs qu'on enlève. C'est vous qui avez dressé cette liste et qui l'avez donnée à monsieur l'archevêque. Et ceci en est le double que vous aviez pris et que vous gardiez sur vous. Est-ce que je ne vous vois pas? Avec votre visage de morte. Je ne serai pas fâchée d'être dans une maison où ces 12-là ne seront plus. De sorte qu'on y reconnaîtra un autre archevêque que monsieur Arnaud. Je n'ai pas à rougir de ce nom. Car c'est quasi confesser le nom de Dieu que de confesser le nôtre. La condition que l'on va vous faire, ma très chère sœur, vous déprimera sans doute une hautainerie qui est la chose du monde la plus inconvenante en ce lieu. Vous qui étiez naguère avec moi si amicale et si confiante, comme si nous n'étions pas sœurs que par le voile, mais par le sang. Ah, je sais à présent la raison de tant de haine. Elle est là. N'étiez-vous pas, ma sœur, prévenue contre les attaches? On ne vous a pas prise au dépourvu. Et puis quoi? Quelle haine! Je suis avec mes supérieurs, c'est vous autres qui sans cesse cherchez à échapper. Et si après la mort de Monseigneur, il venait un autre archevêque qui vous commanda de condamner celui-ci? Ou un autre pape qui lui aussi prit le vent contraire? Les suivriez-vous? Je tournerai avec lui, les suivrai de tout mon cœur. Et s'il venait 5 ou 6 archevêques de Paris dont chacun vous fit défaire ce que le précédent vous aurait ordonné? Si 50 archevêques de Paris se succédaient les uns aux autres, je ferais toujours ce que celui qui serait en charge me commanderait. Je suis entre les mains de mes supérieurs, ils me manient comme un cadavre. Même si vous obéissez à un commandement injuste, Dieu ne laissera pas de récompenser votre obéissance. Comme vous en mêlez ce qui vous sert à ce que vous prétendez servir. Enivré d'obéissance. Et vous n'êtes plus capable que d'adorer votre enivrement. Ah, c'est bon, n'est-ce pas, d'être sous l'aile du pouvoir? On y est mieux que sous l'aile de Jésus-Christ. Car il y en a d'autres, peut-être, pour qui obéir en aveugle est une attitude doctrinale. Contestable, mais du moins religieuse et sincère. Pour vous, obéir, c'est être, quoi qu'il arrive, la protégée du pouvoir. Du pouvoir qui vous fera abaisse. Car on veut obéir, mais c'est qu'on veut commander. Obéir aux grands, pour commander aux petits et leur commander à sa guise. Notre liberté, à nous, est celle des enfants de Dieu. Elle nous mène aux prisons. La vôtre est la liberté des enfants de Bélial, pouvoir faire n'importe quoi parce qu'on le fera toujours impunément. J'ai assez sacrifié en entrant ici pour que quelque chose d'ici me soit donné. Sacrifier quoi? Et qu'on vous donne quoi? Une place? Mais on ne cherche pas une place. On la refuse ou on l'accepte en gémissant. Une place. Quand la première place est aux écuelles et à l'évier. Et cela vous est venu en un jour. Oui, tout juste en un jour. Le jour que M. l'archevêque a fait visite ici. On vous a glissé ce goût d'être abaisse dans la tête. Vous avez été retourné en un instant. Cette espèce d'ambition enfantine. Que rien n'annonçait, que rien ne préparait. 40 ans de pureté corrompue en un instant. Je le dirai à monsieur l'archevêque que vous l'avez traité de corrupteur. Quelle pitié vous me faites, ma sœur. Restez donc avec vos obéisseuses et dominez sur elles. Vous, du moins, vous savez pourquoi vous signerez. Celles qui mourront sans signer, on jettera leur corps à la voirie. Mais il n'y en aura pas. Toutes, vous signerez toutes. Vous verrez à la fin des choses si étranges que c'est vous qui demanderez de signer et qui le demanderez à genoux. Je ne sais quelle puissance affreuse vous inspire. Cette signature est la marque de la bête. Nous étions faites pour nous entendre, ma sœur. Vous, la toute parfaite, et moi, la très imparfaite. Comme celle qu'on rapproche au novicier à l'une pour soutenir l'autre. Avec si peu de proportion. Du moins, nous avions en commun de n'être pas des sottes. Mais vous avez laissé passer le carrosse. Et maintenant, c'est un autre carrosse qui vous emmène. Adieu, Vat, ma sœur. Adieu, Vat. Que le bon Dieu vous assiste. Écoutez-la. Celle qui a été reçue à Port-Royal, parle. Dites donc le mot, si vous l'osez. Mais vous n'oserez pas. Par charité. Oui, j'ai été reçue à Port-Royal par charité. Et c'est vous, la nièce de Monsieur Arnaud, qui m'en fait reproche. Nous a-t-on assez dit pourtant que c'était les plus pauvres d'entre nous qui étaient les premières devant Dieu. Vous pouviez me reprocher tout. Mais non cela. J'ai honte pour vous, ma sœur, nièce de Monsieur Arnaud. Je suis épouvantée. Je la flairais depuis longtemps. À présent, elle s'est découverte. Dites-le à toutes. Vous l'avez vu? Comment elle le regardait, monsieur l'archevêque? Tout ce qu'il fait est bien. Il l'a ensorcelé. À fort, n'est-ce pas, l'un et l'autre? Mais de quelle triste force! La force de leur maître. Qu'on cache plus que jamais l'adresse de nos messieurs, elle les ferait mettre en prison. Ne laissez pas mon âme entre ses mains! Je demanderai à Dieu votre mort, plutôt que de vous voir signer. Demandez-la lui. Je ne veux pas que le carrosse vous emmène, je me coucherai à travers de la porte. Ne soyez pas extraordinaire. Mais pourtant, ce renversement que mon âme vient d'avoir. Il n'est qu'un mouvement de la nature. La grâce n'entre point là-dedans. Maintenant encore, vous cherchez à me rabattre, toujours à me rabattre. Je vous dis ce qui est. Je me suis jetée à l'oratoire. Il fallait prier tout de suite, coûte que coûte. Si je n'avais pas prié tout de suite, je crois que je me serais évanouie. Quelle prière? Quelle parole? De quels mots étiez-vous capable? Je crois que j'ai dit seulement mon Seigneur et mon Dieu. Rien d'autre que cela. Vous avez tout dit. Mais j'écoutais. Je ne pouvais m'empêcher d'écouter. Ma sœur, je vous en prie, répondez à ma question. Est-ce un homme qui nous juge coupable? Ou est-ce un homme qui ne fait que gagner le salaire qu'on lui a payé d'avance? Ne cherchez pas à percer ces choses. Il y a de tout en certaines âmes. Et parfois dans le même moment. Mais est-ce un homme qui croit en Dieu? Ou est-ce... Ne cherchez pas à percer ces choses. Si l'on perçait qui croit... Et qui ne croit pas. Une personne ecclésiastique qui ne serait pas ce que son habit fait paraître. Peut-être qu'il y en a qui sont ainsi. Et qui méritent surtout d'être plaintes. Oh, ma sœur, cette plainte de vous? Quoi, nulle pitié pour qui, sous ce vêtement, aurait un trouble, un doute? Un doute sur quoi? Un doute sur toutes les choses de la foi et de la providence. Un doute si l'ordonnance du monde est bien telle qu'elle nous justifie de vivre comme nous vivons. Pas de pitié! Pour qui, ayant ce doute, n'arracherait pas son habit dans l'instant, devenu un leurre abominable? Car Dieu punit parfois toute une communauté pour le péché d'une seule. Toute une communauté punie pour le péché d'une seule? Et avec raison. Le mal d'un seul doigt peut rendre le corps entier malade. Qu'ai-je fait pour être à ce point abandonné? Je n'aurais pas dû revenir et demander à Monseigneur sa bénédiction. Je n'aurais pas dû lui parler tant. Les positions sont prises, on se débat pour rien. Pendant que je parlais, vous priez. C'est vous qui aviez raison. Je priais, je ne sais. J'étais dans un autre monde. J'y suis encore. Et peut-être je n'ai prié que par mes larmes. Je les voyais tomber sur la croix de votre scapulaire. Elles étaient bien là. Ma mère. Laissez-moi vous donner ce nom de mère. Maintenant que vous allez beaucoup souffrir. Vous me le donnerez quand vous saurez comment j'ai souffert. Ma sœur. Ma mère. Ma chère mère, où êtes-vous? Vous reverrai-je jamais? Je vous ai nourri 5 ans. D'un lait que pas une mère. Mais je ne sais à quoi je pense en vous disant cela. Vous êtes assez grande. Vous pourriez aller seule. Quand même, je vous quitterai. Or, je ne vous quitte pas. On ne quitte que ce qu'on cesse d'aimer. Est-ce vous qui me dites cela? Vous qui tantôt me reprochiez si fort cette petite amitié humaine où vous croyez que je voulais prétendre. Il ne faut à aucun prix qu'un être, par sa trahison, nous décourage d'avoir plus jamais confiance en d'autres êtres. Il aurait trop gagné s'il avait tué en nous la confiance faite à notre prochain. Ah, n'est-ce donc que cela? Vous avez compris ce que vous ne compreniez point. Pour vous viennent de s'ouvrir les portes du jour. Quel jour? À quel point terme? Pour moi, j'ai franchi les portes des ténèbres avec une horreur que vous ne pouvez pas savoir. Doit n'être su de personne. Quelle ténèbre! Je prie Dieu qu'il me fasse la grâce d'être un jour dans le ciel, à vos pieds. Ma sœur, le carrosse. Ne tardez pas, les sœurs de la visitation arrivent. Les sœurs de la nuit. La nuit qui s'abat sur notre monastère. Cette nuit-là, et l'eau. Je baise le sol de la maison où peut-être je ne reviendrai plus. Comme nous faisions baiser le sol à nos petites filles dès que sorties du lit, le premier acte de leur journée. Autant de petites filles. Je serai fidèle à ce temps des petites filles. Je serai fidèle. Je serai fidèle. Soyez fidèle. Pour toutes celles et pour tous ceux. Vous retrouverez Dieu et Port-Royal partout. On n'est jamais seul quand on a la foi. Mon enfant! Je ne sais ce que je retrouverai. Que voulez-vous dire? Je veux dire que la nuit qui s'ouvre passera comme toutes les choses de ce monde. Et la vérité de Dieu demeurera éternellement et délivrera tous ceux qui veulent être sauvés que par elle. Elle a dit cela avec effort. D'un air si étrange, mécanique, et paraissant si absente de ce qu'elle dit que la sœur Françoise reste interdite. Elle suit des yeux la sœur Angélique de Saint-Jean pendant que celle-ci se dirige vers la porte de la cour où il disparaît. La sœur Françoise met le visage dans ses mains et rentre dans la clôture. La scène, un assez long moment, reste vide. On entend sonner nonne. Le mystère qu'évoque cette heure est celui de la mort de Jésus-Christ. La sœur Françoise sort de la clôture et se tient immobile contre la porte de la chapelle en regardant vers la porte de la cour demeurée ouverte avec une expression intense d'attente qui se change soudain en une expression d'horreur. Elle rentre dans la clôture à reculons, marquée par cette horreur. Entrant par la porte de la cour, paraît la nouvelle mère qui est commise au gouvernement du monastère. Elle s'agenouille sur le seuil de l'oratoire, puis s'achemine vers la clôture. Derrière elle, et l'une derrière l'autre, chacune des 12 sœurs de la nuit, entièrement vêtues de noir, qui remplace les 12 sœurs frappées, entre, s'agenouille un instant, puis s'achemine et disparaît lentement vers la droite, à l'intérieur de la clôture.